Et on parle à l'instant à Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, donc l'ITIS. Bonjour Raymond. Bonjour. Donc, cette semaine, on a parlé beaucoup de villes intelligentes, et là, on ne parle pas de Québec comme ville intelligente, mais bien de Lyon. Exactement. En fait, il faut dire qu'on en a beaucoup parlé au fil des derniers mois et de la dernière année, en lien notamment avec la ville de Québec. Mais reste que le phénomène et l'idée, le concept des villes intelligentes, c'est vraiment quelque chose de global. Et notamment en Europe, ben il y a beaucoup de projets qui sont mis en branle dans certaines villes pour essayer de maximiser certains des paramètres qu'on associe à la ville intelligente, dont Lyon, qui a fait l'annonce d'un plan assez global pour la grande région métropolitaine de Lyon à la fin du mois de février dernier. Avec l'idée, en fait, parce que leur plan est quand même beaucoup axé sur l'idée de la gestion des énergies et l'idée de la logistique et des transports. Donc, vraiment en lien avec les problématiques, justement, liées avec ces domaines-là. Donc, des difficultés au niveau de la congestion, des gros problèmes énergétiques parce que les ressources se font de plus en plus rares, des problématiques liées aux émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation des déchets produits et, évidemment, tout ça aussi en lien avec la croissance économique des villes. Alors, eux se sont dit, ben, regardez, on a des défis à les relever et on pense qu'il y a des solutions justement informatiques qui pourraient être mises à profit pour nous aider à les régler, pour nous aider à optimiser notre ville toujours, parce que c'est quand on parle de ville intelligente, mais c'est les citoyens, donc toujours au service des citoyens et citoyennes de ces villes-là. Mais l'accent a été mis surtout sur la mobilité ou les transports. Exactement. En fait, on dit, donc si on veut gérer un peu les problèmes de trafic, il faut voir des options qui peuvent être intégrées dans cet objectif-là. Et donc, eux ont décidé de mettre en branle quelques gros chantiers. Le premier, c'est ce qu'eux ont appelé Optimode Lyon. Donc, l'idée, c'est d'optimiser les transports modaux de Lyon, d'améliorer la mobilité des personnes et d'améliorer aussi la mobilité des marchandises. Et donc, ce qu'ils veulent faire, donc dans un premier temps au niveau des personnes, donc c'est d'essayer de permettre aux gens de savoir à quoi ressemblera le trafic une heure à l'avance. Donc, ils vont essayer de faire des évaluations du trafic pour que les officiels de la ville puissent dire, ben OK, considérant que telle artère risque d'avoir un trafic de ce type et donc un trafic assez lourd, et que telle autre artère a un trafic plus léger, ben on devrait donc régler pour aujourd'hui les flux de circulation selon tel ou tel ou tel paramètre. Donc, à partir d'une évaluation qui serait faite par des systèmes informatiques du trafic, évidemment, si les officiels de la ville ont accès une heure à l'avance au trafic qui risque de s'en venir, mais ça veut dire aussi que sur service mobile, sur téléphonie mobile, eh bien, les conducteurs et conductrices auraient aussi accès à un navigateur en tout mode, temps réel, qui intégrerait donc la prédiction de trafic qui serait développée dans le cadre donc de ce programme-là. Et à ça, ils se sont dit, ben l'autre élément aussi, outre les gens qui rentrent et qui sortent de la ville, il y a aussi l'idée des marchandises qui rentrent et qui sortent de la ville. Et donc, ils vont essayer de mettre en place un système de fret urbain qui est pas inintéressant. Donc, l'idée, c'est ce qu'appelle un combi-fret. Donc, dans l'idée que plutôt que d'avoir un camion qui va transporter d'un lieu X à un lieu Y dans la ville, la marchandise, de l'externe, de la banlieue vers le centre, eh bien, qu'il y aurait plutôt des espèces de trains de marchandises, dans le fond, qui circuleraient à l'intérieur de la ville et qui auraient donc différents colis à l'intérieur de leur camion, des petites caisses d'une constance d'à peu près 10 mètres cubes qui seraient chargées donc dans un premier dépôt, qui seraient transportées dans un deuxième, et de là, il y aurait un petit système tentaculaire, là, si on peut dire, qui se mettrait en place. Donc, qui permettrait soit d'amener plus rapidement, plus facilement, plus simplement, avec moins d'impact sur le trafic de la marchandise dans la ville, et qui parallèlement doublait un système de cases et de stockage, eh bien, pourrait permettre aussi aux commerçants d'aller eux-mêmes récupérer ensuite au poste le plus près d'eux des marchandises pour, exemple, leur magasin, en dehors de certaines périodes, l'heure de pointe ou à une heure qui leur conviendrait à eux, plutôt qu'une heure qui conviendrait aux camionneurs. Mais là, et aux transporteurs. C'est rentabiliser vraiment tout le système de transport, là. C'est pas uniquement que des de servir, par exemple, du mobile, là. C'est vraiment une rentabilisation au complet. Exactement. Puis avec, dans le fond, toujours des systèmes informatiques qui viennent appuyer ça, qui disent, ben OK, encore là, on optimise les circuits, on a telle marchandise à déplacer vers tel autre, donc tel train, tel élément peut l'amener vers cette gare-là, et ensuite, ben on la met dans telle case, et là, le lendemain, le commerçant va la chercher, par exemple, exemple, à 6h le matin, 1h30 avant l'ouverture de son commerce, l'amène vers son commerce, fait son stockage, il y a des marchandises dont qu'il doit livrer, ben il les met là-dedans, il les retourne à la case, il y a un camion qui vient chercher ça, qui la joint à un autre train de marchandises et qui l'amène vers d'autres lieux. Donc ça change complètement la manière dont on envisage le transport à l'intérieur de la ville. Oui, ça dégage un peu les voies publiques, mais ça c'est pour le transport, il y a des services à la population aussi. Oui, mais en fait, toujours des idées de voir de quelle manière on peut mettre à profit, utiliser les gens. Donc, notamment, je te donne quelques exemples. Ils ont décidé de mettre en place un programme qui s'appelle GéoVélo. Donc, l'idée, c'est qu'eux veulent renforcer l'utilisation du vélo dans la ville, mais se rendre compte que les gens n'ont pas toujours la connaissance parfaite des circuits de vélo optimum qui pourraient être utilisés. Donc, ils ont décidé de développer, dans le fond, une application calcul GPS d'itinéraire, mais également avec donc de l'information sur le volet sécuritaire, par exemple, du trajet. Comme on s'intéresse seulement à une ville, mais c'est le genre d'expertise qui est possible d'intégrer. Donc, quelles artères sont plus difficiles, sont plus faciles au niveau du trafic et de la circulation, au niveau des côtes, au niveau de la qualité de la chaussée, etc., etc. Donc ça s'appellerait GéoVélo. Il y a aussi des systèmes de covoiturage qui seraient mis en place grâce à des systèmes informatiques, un peu comme on a aujourd'hui ici à Québec, cela dit, là. Donc l'idée d'aller sur un site web, d'essayer de faire des matchs, entre guillemets, si on me permet l'anglicisme, donc entre des personnes qui vont d'un endroit similaire et qui se dirigent vers un endroit similaire, ont des programmes comme ça, qui pourrait permettre aussi là, de favoriser justement le développement du covoiturage, le développement de l'autopartage et donc appuyé par les initiatives de trafic dont on a parlé, mais ça risque quand même, on l'imagine, d'avoir des impacts assez favorables sur les transports, mais du point de vue purement citoyen. Et évidemment, si on élargit un peu aussi, ben il y a toute la notion des services aux citoyens, comme tu le disais, à proprement parler, là, qu'on pense à l'ouverture des données, donc l'idée qu'il y a des données dans la ville qui peuvent être d'intérêt public, qui ne sont pas nécessairement exploitées, mais que si on les rend publics, on les rend accessibles dans des formats facilement utilisables, il y a des gens qui vont les intégrer dans le développement d'applications et autres. Ça se fait à Québec, ça se fait à Ottawa, donc c'est une tendance qui se répand de plus en plus. Mais eux ont décidé aussi de s'intéresser à des projets hivernaux. Bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas l'hiver à Lyon qu'on a ici à Québec. Non, quand même pas. Je trouvais que l'initiative était intéressante quand même parce que c'est dans leur production de sel où il y a parfois des difficultés. Donc l'idée, c'est que quand la chaussée commence à être glacée, on répand du sel un peu à tout vent, on réagit un peu de manière très très globale, si on peut dire, à une situation de température. Et qui plus est, on réagit à cette situation-là en fonction des prévisions météorologiques et pas de l'impact de ces prévisions-là sur la chaussée. Alors, il y a un projet qui s'appelle Grizzly, donc Gris, mais avec L-I en majuscule pour référence à Lyon, on l'imagine, donc qui va amener à l'intégration de capteurs sans fil, à peu près gros comme un œuf, donc ils vont les intégrer dans la chaussée, et ces capteurs-là vont être en mesure d'évaluer la qualité de la chaussée, la qualité de la route, donc les conditions de température de cette chaussée-là. Et ensuite, mais ça va amener donc les ressources municipales à être utilisées en fonction de ce qui se passe sur cette route-là. Donc, si on dit, ben, OK, la route est glissante, il y a de la glace et il y a telle température précisément là-dessus, alors là, on va savoir, OK, on va avoir besoin d'être telle quantité de sel. Si inversement, ben, on sait que de manière générale, il y a des chaussées qui sont glacées, mais que celle précisément qui est touchée par les capteurs, elle ne l'est pas, ben, on n'ira pas en mettre pour rien. Par exemple. Ouais, donc c'est de l'économie aussi pour la ville. Ben exactement, parce que je veux dire, ça coûte quand même un certain prix pour l'acheter, pour ensuite aller le porter. Donc si on est en mesure d'optimiser des parcours ensuite en disant, ben OK, on a telle rue avec tel type de service, ben subitement, on devient peut-être un petit peu plus efficace aussi pour les rendre accessibles, ces services-là. Mais Raymond, quelle autre chose ils ont mis en place dans leur plan à Lyon? Ben, il parle notamment en fait d'une carte à puce qui pourrait amener, ou d'une carte en fait, qui pourrait amener un bouquet de services dématérialisés. Ça encore là, c'est peut-être quelque chose qui va résonner dans l'esprit des gens de Québec. Ça se parle aussi, donc l'idée d'avoir accès à payer par exemple les activités communautaires, à payer les taxes municipales, avoir accès à de l'information, des bulletins de la ville, mais de manière personnalisée via cette carte-là, payer l'autobus, etc., etc. Donc ça risque d'être un peu comme ça. Eux veulent aussi essayer d'élargir, pouvoir payer des inscriptions exposition, musée, bibliothèque, etc. Donc d'avoir vraiment l'ensemble des services de la ville qui seraient offerts dans une plateforme dématérialisée comme celle-là. Donc ça sera surveillé aussi. Fait évidemment, la question c'est toujours quelle intégration on en fait. Mais donc si les citoyens sont intéressés, peut-être que c'est ces genres de choses qui peut s'étendre. Sinon, ils ont décidé aussi de développer bon au niveau énergétique des compteurs intelligents pour permettre aux gens de savoir aussi exactement leur niveau de consommation d'électricité et de lier aussi ces compteurs-là à des plateformes web qui vont permettre aux gens d'analyser en temps réel leur consommation, d'avoir des propositions aussi sur la gestion d'énergie qu'ils font, la gestion de l'eau qu'ils font et autres. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Ouais. Évidemment, il y a d'autres plateformes de ce type aussi qui visent, et là on parle de manière de plus en plus large, là, la gestion d'un quartier à l'autre. C'est un projet qui s'appelle Transform. Et ça, l'idée, c'est d'essayer de créer des cultures communes énergétiques. Donc de dire, ben justement, tel quartier a besoin de plus d'énergie, tel autre en a besoin moins. Donc d'essayer de balancer un peu la gestion énergétique, mais pas simplement une propriété, mais dans un ensemble de propriétés. Créer des balances, jouer des jeux un peu entre les quartiers pour avoir un équilibre de consommation. Donc ça, c'est encore là, c'est quand même des initiatives qui font figure un peu d'expérience, entre guillemets. Donc pour l'instant, eux, ils vont simplement avec un quartier pour voir un peu comment ça va se passer. Mais si ça marche bien, ils pourraient donc fédérer les acteurs de l'énergie autour d'un partage de données, autour d'une culture commune et avoir des outils de planification stratégique qui seraient développés à l'échelle d'un quartier et qui seraient appuyés éventuellement par donc une gestion intelligente, stratégique sur un principe qu'on appelle Smart Grid, qui est de plus en plus répandu, donc pour gérer aussi la gestion électrique, des installations pour l'énergie renouvelable, pour les véhicules électriques, etc., etc. Donc tout ça est très nouveau à Lyon, ça vient d'être lancé. Oui, ça vient d'être lancé, ça s'est pas tout mis en place non plus. Là, il y a quand même, je pense qu'ils se donnent un petit temps pour finir de les développer. Là. J'imagine. Mais tout ça dans une perspective, et c'est l'autre élément qui est intéressant, c'est d'aussi permettre à la ville justement de devenir un lieu d'expérimentation. Parce que tout ça est un peu lié par ce qu'appelle la cellule Grand Lyon Expérimentation, où il invite donc l'idée pas de financer les projets, mais de permettre aux porteurs de ces projets-là de les expérimenter sans frais. Et les mettre en place dans une ville comme Lyon et de leur donner aussi une visibilité importante, évidemment, si ça marche bien, donc d'essayer de favoriser justement l'innovation par des mesures comme celle-là. Donc c'est toujours très pratique et évidemment quand il se passe des choses comme ça, ben les autres villes intelligentes, par exemple Québec, ben on peut lorgner de ce côté-là et voir quelle idée on peut emprunter. Oui, effectivement. J'ai l'impression qu'on le fait déjà un peu. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et tu rappelles aux gens qu'on peut réentendre les chroniques? Oui, sur itis.ulaval.ca. Et c'est l'adresse aussi où on peut avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir.